Alors Mario, à ton avis, ça veut dire quoi jouer un personnage mémorable? Mamma mia! It's me! Here we go! Bon, je croyais que ça se passerait mieux en recrutant une nouvelle mascotte, mais non, je suis toujours aussi mal secondé. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires! Voilà, on va parler d'un tout nouveau sujet avec Mario. C'est comment jouer un personnage mémorable. Bon, je t'ai déjà fait une vidéo sur comment bien jouer un personnage, mais c'est pas la même chose de jouer un personnage mémorable. C'est pas non plus jouer au service. Tu sais, jouer au service, je t'avais expliqué que grosso modo, c'est quand tu utilisais ton personnage, notamment pour mettre en valeur les personnages des autres. C'est pas ça non plus, jouer un personnage mémorable. En fait, alors on peut se dire, jouer un personnage mémorable, ça va être jouer un personnage haut en couleur. Alors effectivement, ça peut faire partie des ficelles qu'on va un petit peu énumérer tout à l'heure, mais c'est pas, voilà, c'est pas forcément ça. Grosso modo, très simplement en fait, jouer un personnage mémorable, c'est jouer un personnage dont on se souvient. Donc je vais te donner voilà, je vais te proposer des petites techniques pour ce faire, quoi. Premièrement, eh bien, il faut que tu soignes sa présentation, la présentation du personnage. Tu vas pas faire une description random quand ton personnage va entrer en scène pour la première fois. Tu vas vraiment soigner le truc. Eugénie, par exemple, avait fait un atelier présenter son personnage et donc donner des petites techniques du genre présenter son personnage en faisant une sorte de scène de pré-générique où tu es un peu MJ et puis joueuse en même temps, tu vois, tu mets ton personnage en scène, quoi, plutôt juste dire ah, salut, mon personnage, il fait 1m85, il a des cheveux bleus, ah, tu vois, le truc classique, non, non, là tu le mets en scène, quoi, scène d'action, scène de drama, ce que tu veux, quoi, flashback. Tu peux aussi faire des trucs de fou, présenter ton personnage en slamant. Plein de. Il me fait imaginer un générique de série télé, du genre, ouais, mon personnage est joué par tel acteur et tout, ainsi de suite. Il va falloir en jeu que tu récapitules. Alors, cette présentation, il va falloir la répéter. De toute façon, il va falloir la répéter pendant tout le jeu, pendant toute la campagne. Si tu rappelles pas que, je sais pas, que ton personnage a les cheveux bleus, par exemple, bah, au bout d'un moment, tout le monde va l'oublier, tu vois. Donc, faut pas hésiter à redécrire en fait régulièrement son personnage. Si tu t'arrêtes, au fait, bon, je vous rappelle mon personnage. Alors, si tu as peur que ça fasse un petit peu, comment dire, un peu téléphoné, eh ben, tu peux mettre ça en situation, genre, ah, là, mon personnage voit dans ce miroir et il constate que ses cheveux bleus ont un peu perdu de leur superbe, tu vois, des choses comme ça. Et un personnage, ça n'est pas que des mots, c'est aussi des chiffres hein, dans la plupart des jeux de rôle. Et ses caractéristiques, le fait qu'il ait tant de scores en force, tant de scores en intelligence, tant de scores dans telle compétence, ça c'est pareil, c'est des choses que tu vas rappeler régulièrement. Et au fait, je vous rappelle que mon personnage, il a 17 ans de dextérité, donc il se faufile partout. Et ça, évidemment, si possible, tu le fais en situation, c'est-à-dire que même si MJ te demande pas un jet de compétence ou un jet de ta carac, que tu as envie de mettre en valeur sur le moment précis, bah, ouais, tu improvises une petite scène sans enjeu où voilà, tu dis, ah bah tiens, je m'ennuie, du coup je vais aller sauter de toit en toit, juste pour montrer que j'ai 17 ans en dextérité. Voilà. Évidemment, un truc qui marche aussi très bien pour avoir un personnage mémorable, c'est vraiment classique au classique, mais ça marche du feu de Dieu, hein, comme on a quand même beaucoup d'entre nous avons plutôt une mémoire visuelle, c'est d'avoir un portrait de ton personnage, tu l'imprimes. Et tu le mets comment tu voilà tu mets à la table devant bien visible de tout le monde, quoi. Tu peux avoir un jingle pour ton personnage. Je t'avais fait un petit peu de la pub pour Bazar des Fées. Ouais, c'était une vraie pub cette fois-là. Voilà, qui fait des petits qui avec son genre musical le JDR Punk. Elle peut te proposer des musiques spécialisées pour ton personnage. Bon, bah, sinon après tu peux aussi t'en trouver par toi-même, quoi. C'est pas être pas mal que tu réfléchisses à une ou deux devises ou catchphrases, punchlines pour ton personnage. Il y avait une campagne un petit peu KPDP, j'avais demandé à chaque joueuse de trouver une devise pour le personnage. Il y avait un joueur, il avait sa devise. son personnage, c'était le fer contre l'enfer, quoi. Il aurait peut-être de temps en temps, tu vois, de temps en temps, tu as des bastons, évidemment. Et genre, à la fin, sur la dernière baston, je sais plus s'il mourait ou si vraiment c'était c'était chaud, quoi. Il commence à lancer le fer contre l'enfer. Et franchement, je me rappelle trop, c'était stylé, quoi. Tu vois, cette répétition, puis, ça typait bien le personnage, quoi. Et bah voilà, donc s'il faut soigner l'entrée du personnage, il faut aussi soigner sa mort ou son épilogue, sa sortie de piste, parce que des fois ça peut être la chose dont on va se rappeler plus, quoi. Alors il y aura une vidéo sur les morts de personnages et il y aura aussi une vidéo sur les épilogues de personnages, t'inquiète surtout pas. Bon, sinon on fait un petit point science maintenant, puisque il y a une nouvelle de l'AFP qui vient de tomber. Et en fait, ils ont enfin établi la composition chimique de la publicité. Et en fait, voilà, on sait maintenant de quoi la publicité est composée niveau chimiquement. Et je trouve que c'est de la merde, voilà, chimiquement pure. C'est ça. Eh bien, bah, ça tombe bien parce que c'est le moment de te parler du sponsor de cette vidéo. Le sponsor de cette vidéo, bon, bah, tu connais. Tu connais sans doute Displate parce qu'ils ont voilà ils ont fait plein plein d'OPSP, mais nous on va te parler de Dispécu. Dispécu c'est un peu le concurrent beaucoup plus écolo parce que nous on propose un matériau voilà beaucoup plus durable qui peut avoir une seconde vie. Il s'agit de Dispécu, voilà donc Dispécu ce sont des posters en PQ. Alors c'est vraiment avec une matière molletonnée triple épaisseur. C'est vraiment parfait, donc ils impriment des posters comme ça sur du PQ. Donc il y a tout, Star Wars, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, enfin voilà, les Pokémon, enfin tout. Il y a même voilà des dispécus 1000 veaux, donc c'est vraiment super. De toute façon, au pire, si t'aimes pas le motif, ben, tu peux toujours te torcher avec. Donc voilà, dispécus, comme toujours, une réduction de 33% si tu tapes le code Outsider. Alors, on va continuer un petit peu. Maintenant que tu m'as bien écouté pour le sponsor, on va un petit peu continuer avec eh bien, les petits conseils pour en avoir un personnage bien mémorable. Eh bien, ça va être de lui trouver un rôle bien identifiable dans le groupe. Ça peut être un rôle très utile, mais bon, vu que dans les jeux de rôle, les groupes sont censés être combinatoires, enfin. Tout le monde, enfin, généralement, il y a beaucoup de gens vont être très utiles, donc ça va pas suffire à te démarquer le fait juste d'être très utile au groupe. Tu peux avoir un rôle atypique. Donc, par exemple, dans les centres, il y a plein de petites missions de vie, et c'est que voilà, des espèces de classes de personnages mais un peu chelous. Genre, il y a Éplore qui est chargé de pleurer les morts à la place du groupe. Il y a Confidence. Qui est une personne bah, voilà, qui va un peu recueillir tes confidences et qui tu vas pouvoir un petit peu dire tes pensées profondes et tout. Voilà. Ou alors, bon, ça, c'est une vaste pour la classe de personnage très atypique. Au contraire, tu peux être sur un rôle classique, mais tu vas jouer de façon atypique, genre une bardesse, mais métal, un guerrier, mais poète. Voilà, souvent, il suffit d'accoler deux adjectifs qui ne sont pas d'habitude ensemble et. Ça marche bien. J'ai connu un joueur, il y avait deux personnages qui m'ont beaucoup marqué. Le premier, c'était un soigneur qui soignait aussi les ennemis en plein combat. C'est-à-dire que si pendant un combat, s'il y avait un ennemi qui était blessé bah, par les PJ, bah, il allait soigner l'ennemi, tu vois. Alors évidemment, il s'attirait un peu les foudres du reste du groupe quand il faisait ça. Et il y avait, à Star Wars, c'était lui le pilote du vaisseau, mais c'était le pilote prudent. Genre, ah non, non, je vais pas abîmer mon beau vaisseau, surtout on va pas aller dans les astéroïdes, on va pas faire des loopings, des tourbillons ou quoi. Et c'était hyper timoré, quoi, pas du tout dans le canon esthétique, on va dire, voilà, envolé, héroïque de Star Wars, quoi, où on fait des pirouettes et tout. Non, non, on traite un peu son vaisseau comme une voiture volée, c'était pas le cas, lui, vraiment, il faisait super, super gaffe à mon vaisseau, abîmait pas les chromes et tout. Voilà. Bah, alors, ça pose un peu une question, c'est est-ce que ton personnage doit être un boulet pour être mémorable? Bah, c'est sûr que généralement, les personnages boulets, tout le monde s'en rappelle, mais pas forcément. De façon positive, tu vois ce que je veux dire, quoi. Je dirais que tu peux être un boulet si c'est bien fait. Moi, j'aimais beaucoup le soigneur qui soignait les ennemis, parce que, voilà, ça restait un personnage noble qu'on pouvait quand même apprécier, tu vois. Le pilote prudent à Star Wars, Ça posait des gros problèmes de canon esthétique. Enfin, ça cassait vraiment le reste du contrat social. On était là pour faire de l'aventure un petit peu envolée, quoi. Donc, je trouvais que ça marchait moins bien. Voilà. Et puis bon, évidemment, là, ça fait beaucoup. Je t'ai donné beaucoup de techniques un petit peu solo. Enfin, là, je suis un peu rentré dans le collectif. Je vais un peu plus loin. Il faut que tu marques bien tes liens avec les PJ. Souvent, c'est peut-être ça qui va rester en mémoire. C'est que tu étais l'amoureux d'un tel, le frère de truc. La sœur de machin, tu vois, le papa de Bidule. Donc, marque bien tes liens avec les PJ, travaille-les bien, et aussi lie-toi à un ou deux PNJ fétiches de MJ, quoi. Alors, pour ça, ce qui marche bien, ça s'appelle les techniques de fusion, en fait. C'est quand tu as des liens avec des PNJ, mais qui sont pas très, très déterminés, le PNJ est un peu laissé dans le flou. Eh ben, tu peux ce PNJ le fusionner avec un PNJ du MJ, quoi. Donc par exemple, j'étais MJ en fait sur une partie où j'avais un de mes PNJ, c'était une sorte de cannibale innocent, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de gentil, il était infecté par un virus cannibale, donc la nuit il mangeait des gens sans s'en rendre compte, quoi. Et il y avait un joueur, son personnage était à la recherche d'une la femme de. La femme de sa vie qui lui parlait dans sa tête, il l'avait jamais vue, tu vois. Et ben en fait, du coup, j'ai eu l'idée, je crois que il a validé, j'ai eu l'idée de fusionner les deux, quoi. Et en fait, il a rencontré le cannibale innocent, du coup, j'en ai fait une fille, parce que c'était pas très important, son genre, donc c'était la cannibale innocente, du coup. Et en fait, il s'avère qu'elle avait la voix donc de sa femme aimée, du coup, bah, il la protégeait, puis il lui permettait de manger des gens, tu vois, il couvrait un peu ses crimes. Et ça, c'était super fort, quoi. On avait deux concepts intéressants, mais en les fusionnant, ça a vraiment fait un truc fort. Moi, j'ai du coup été beaucoup marqué par la relation entre le PJ et puis ce PNJ, quoi. Donc voilà, ça rentre dans le truc de faire quelque chose de mémorable. Alors là, c'est moi, MJ, qui était à l'origine de la technique de fusion. Mais toi, en tant que joueur, joueuse, tu peux être à l'origine de la technique de fusion, dire, tiens, je vais t'emparer d'un PNJ, du MJ, bâtir une relation avec lui, tu vois, évidemment, enfin, on vous envahit par MJ, mais c'est toi l'initiative, et je te renvoie d'ailleurs à une vidéo qu'on fera, qui s'appelle justement Hack la narration, hack ton MJ et tout, pour voir un petit peu ces trucs-là. Ok, bah écoute, j'espère que tu te souviendras de cette vidéo. S'il te plaît, bah, je te demande de t'abonner pour faire un peu grandir la chaîne. Et puis aussi les commentaires, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Puis on est là pour échanger, vraiment. Il y a un intérêt que s'il y a du partage. Donc voilà, je te fais des gros bisous. À la prochaine.